couverte par ses draps, main hésitante, les yeux si froids, lèvres tremblantes, très maladroites, prenant le manche de tous ses